va faire pâlir tous les marquis de Sade, va faire rougir les putains de la rade, va faire crier grâce à tous les échos, va faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. Va faire flamber les enfers dans tes yeux, va faire jurer tous les tonnerres de Dieu, va faire dresser tes seins et tous les saints, va faire prier, supplier nos mains. Je vais.